Tu rappelles ce qui est pur et impur. Tu traces une route distincte. Car ton peuple n'est pas appelé à se fondre dans tout ce qui l'atteint. Tu dis que nous sommes tes enfants, un peuple mis à part pour t'aimer. Et même dans les gestes quotidiens, la sainteté doit s'exprimer. Être mis à part n'est pas s'isoler, mais te refléter.